dois m'arrêter au niveau du panneau? Oui, réponse A. Non, réponse B. Au niveau de la route abordée? Oui, réponse C. Non, réponse D.